Wow. Thank you. appuies à chaque fois. Ça le fait pas automatiquement. Bah, automatiquement, il le fait de 14 secondes. Si tu le veux plus court, tu lui dis. Tu l'as, réclame. Et après, j'ai déjà vu un instrument comme ça. Un térémine. Alors t'as deux. Ça, voilà, mets-le juste. Plus t'approches de tes trucs, plus tu fais un son grave, un son aigu. Donc voilà, ça c'est tout droit sans effet. Alors la main gauche c'est le volume, c'est ça? Voilà. Et la main droite c'est la fréquence. Grave ou aigu. Pas mal, octave. Et tu peux pas la faire plus courte que 14 secondes. Si, vas-y. Allez, bien le programmer comme ça. C'est inversé. Va aller à l'endroit. Va aller inversé. Va aller inversé deux fois moins rapide. Bien mon gars.